Élection providentielle. Élection providentielle. Élection providentielle, une émission animée par Émeric Pourbet avec l'hebdomadaire Réforme et le site orthodoxie.com. Au cours de cette campagne électorale, nous avons passé en revue avec vous, chers auditeurs, un certain nombre de sujets qui nous paraissent fondamentaux pour notre société, la famille, l'éducation, l'Europe, l'immigration, le travail, mais aussi la défense, les questions éthiques et la laïcité. Dans tous ces domaines, nous avons tenté de porter un regard différent pour pousser un peu la réflexion et aussi questionner nos invités à la lumière de notre foi chrétienne. Alors ce soir, nous allons nous arrêter sur un thème qui peut-être les résume tous parce qu'il se situe au cœur de cette élection, c'est la France, notre pays. Et d'ailleurs, est-ce que ce terme correspond encore à une quelconque réalité? Est-ce que la France existe toujours dans les esprits et dans les cœurs? Est-ce qu'on peut, oui ou non, se mettre d'accord sur ce qui constitue, allez, j'ose le mot, notre identité? Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Alain Finkielkraut. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur à Polytechnique et votre dernier ouvrage porte justement pour titre « Qu'est-ce que la France ?» Il s'agit d'un recueil de réflexions aux éditions Stock. Et puis avec moi pour vous interroger, Jean-Luc Mouton de l'hebdomadaire Réforme et Jean-François Colosimo, qui représente le site orthodoxie.com. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Alain Finkielkraut, première question sur l'actualité de cette campagne. Est-ce que finalement, au terme de cette campagne, on peut se poser une question, est-ce que les périodes électorales sont le meilleur moment pour discuter de l'avenir d'un pays? Si on jette un bref coup d'œil en arrière, on a quand même finalement l'impression d'une campagne assez pauvre du point de vue du débat des idées, le mot est faible. Je ne serais pas aussi critique que vous. Cette campagne a été stimulante, surprenante, passionnante à beaucoup d'égards. D'abord, il n'y avait pas de président sortant qui était candidat. Les visages, en tant que candidat, étaient neufs, si je puis dire, sauf celui de Bayrou, mais ce qu'il avait fait en 2002 ne comptait pas, en quelque sorte. Et puis, les gens étaient dans une disposition d'esprit tout à fait différente des décennies antérieures. La division en camps ne fonctionnait plus. Les gens s'interrogeaient sur leur propre vote. Ils étaient indécis. Ils avaient une sorte de disponibilité qui les surprenait eux-mêmes et ça créait des discussions à n'en plus finir, qui était finalement très intéressante. Hein, les amis se regroupent par affinité, et notamment politique, et dans les groupes d'amis, tout d'un coup, il y avait des bayrouistes, des sarkozistes, des ségolénistes, et parfois des buffettistes ou des voilettistes. Bon, bref, l'éventail était très large, à la surprise de tous. Mais je dirais que depuis quelques jours, cette campagne, si longtemps intéressante et stimulante, a basculé dans l'ignominie. Une sorte de tous contre un, une unanimité de tous les candidats contre Nicolas Sarkozy, un emballement médiatico-politique qui va de Le Pen à Besancenot, de Marianne à Libération, en passant par Canal+ et Les Inrecuptibles. Et si j'avais, moi, à si vous voulez, singulariser un événement dans cette campagne, un seul, qui pour moi est le plus révélateur et le plus accablant, c'est l'interview qu'a donné Azouz Begag au journal espagnol El País. Azouz Begag, on le sait ancien tous, ministre. A été ministre. On ne sait pas très bien ce qu'il a fait. Il s'est fâché avec Nicolas Sarkozy. En tout cas, voilà, il s'est fâché avec Nicolas Sarkozy. Il a quitté le gouvernement et il a publié un livre extrêmement hostile, Le mouton dans la baignoire, à Nicolas Sarkozy. Il a choisi de soutenir la candidature de François Bayrou. Pourquoi pas? Il est extrêmement violent, mais aussi, après tout, une certaine violence verbale, c'est le lot et la loi de toutes les élections. Au début de cet entretien, il dit que quand Sarkozy dit que l'immigration, c'est des moutons égorgés dans les baignoires, il insulte les Arabes et les musulmans. Sarkozy n'a jamais dit cela. Mais après tout, cette simplification est le jeu. Mais il y a un moment où il sort du jeu. Voici ce qu'il dit. Quand je cherche dans les archives militaires françaises, je trouve des milliers de noms arabes, y compris beaucoup de ceux de ma famille. Quand je cherche les noms de Sarkozy, il n'y a rien. Il nous doit du respect, y compris à la racaille. Ça, c'est une assertion terrible. Et je suis absolument sûr que Azouz Begag ne sera pas désavoué par François Bayrou et que personne ne lui demandera des comptes pour cette déclaration, car contre Nicolas Sarkozy, tout est permis. Et ce tout est permis, c'est quoi en réalité? C'est la convergence, la confluence, pour la première fois. C'est pas la première fois qu'une campagne est haineuse, mais c'est la première fois qu'on a une haine de cette qualité, la convergence de l'antifascisme, Sarkozy et facho, et de l'antisémitisme. Voilà ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Voilà pourquoi Le Pen n'est pas vraiment désavoué, ou quand il l'est, hein, sur ses propos xénophobes, eh bien on dit oui, mais il a raison de se demander que devient Cécilia Sarkozy, et il faut, dit Daniel Schneiderman, que la question lui soit posée au candidat avant les élections. Y a-t-il de l'eau dans le gaz dans votre ménage? Autrement dit, tous les coups sont permis, et moi je suis désolé et même désespéré, car quels que soient les résultats du premier et du deuxième tour, la haine a gagné. Si Sarkozy l'emporte, la haine va se déchaîner. S'il est battu, il ne sera pas battu par un candidat et donc par un programme. Il sera battu par cette haine-là qui va pourrir la vie sociale française pendant les années à venir. Jean-François Colosimo. Non, juste une question. Comment vous expliquez, justement, enfin, tout le monde constate aujourd'hui, cette semaine, enfin, les semaines précédentes aussi, la haine que suscite Sarkozy, enfin, quand on voit Charlie Hebdo, le journal le jeudi de Jean-François Sacal, Marianne de Jean-François Sacal. Je veux dire, comment vous expliquez ça? Quels sont les ressorts de cette haine, véritablement? Parce que vous dites l'antisémitisme et le fascisme, mais ce sont des mots, je veux dire, pas par rapport à Sarkozy. Par rapport à Sarkozy, ça n'a pas beaucoup de rapport à ce qu'il est. Non, moi, je la décris d'abord. Je dis qu'il y a un élément nettement antisémite dans les propos du leader du Front National. Ouais. Parce que il est immigré, il a un grand-père juif, enfin, hongrois, juif, et tout cela est une connotation. Et même des candidats insoupçonnables font des rapprochements et des télescopages étonnants. Dans un premier temps, François Bayrou nous dit, écoutez, moi, Sarkozy, ça ne peut pas être mon ami. Pourquoi? Moi, je suis enraciné, le tracteur, les paysans, lui fréquente les milliardaires. Et dans un deuxième temps, quand Sarkozy dit simplement François Bayrou est de gauche, il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. Bon, et on peut d'ailleurs faire cette analyse. Il a choisi une certaine gauche, et d'ailleurs il y a une certaine légitimité à le faire, casser le Parti Socialiste, créer une social-démocratie forte, dont il serait, pourrait être le leader. Eh bien, commentaire de Bayrou, dans sa bouche c'est presque une insulte, c'est un peu comme s'il avait dit que je suis un immigré, que j'égorge des moutons dans ma baignoire, ou que je suis un pervers génétique. Autrement dit, là, même lui, aussi insoupçonnable soit-il, si vous voulez, fait se rencontrer les deux images, hein, la plutocratie et Hitler. Donc je décris cela et j'en suis absolument désolé. Sarkozy peut-être paye-t-il tel ou tel emportement, mais je crois qu'il paye aussi la volonté de regarder une certaine réalité française en face. Jean-François Colosimo. Est-ce que c'est pas une chose ancienne? C'est-à-dire que dès lors qu'il s'est porté candidat, on a entendu dire qu'au fond, Nicolas Sarkozy n'aimait pas la France, sous-entendu ne pouvait pas l'aimer, soit de là où il venait, soit en raison de ce qu'il était, n'est-ce pas? Et cette détestation supposée qu'on a de la France, on dit même qu'il veut casser la France, en quelque sorte, donc c'est un candidat qui se porte, n'est-ce pas, à la présidence, ce serait pour casser le pays. Donc c'est, en fait, on a créé, semble-t-il, un statut d'extranéité pour ce candidat? Oui, d'abord, on avait commencé, c'est ce qu'avait fait Éric Besson, en disant que c'est un néo-conservateur américain passeport français. D'ailleurs, Éric Besson s'en est expliqué et excusé. Il n'est plus aujourd'hui comptable de cette phrase. Elle était atroce. Mais ce qui était atroce, justement, après tout, on lui commande un texte contre Sarkozy. Bon, ben, il le fait, il a l'emportement, zèle, peut-être, de quelqu'un qui n'est pas tout à fait convaincu. Donc, il en remet, mais c'est la première phrase. Comment se fait-il que, au Parti Socialiste, personne ne lui ait fait effacer cette phrase? Il y avait moyen de dénoncer l'atlantisme de Sarkozy sans le dénaturaliser. Eh bien, non. Le Parti Socialiste est passé outre. Mais ce qui est terrible, et c'est pour ça que c'est une sorte de double bind. D'une certaine manière, on met en doute son appartenance et son identité. D'autre part, on le fascise dès lors qu'il ose parler de l'identité française. Il y a un certain nombre de gens aujourd'hui en France qui vous disent que l'identité française, ça renvoie à un comportement xénophobe et que précisément l'hospitalité pour la France, ça doit consister à faire le sacrifice de son identité. À se vider d'elle-même. Dans Télérama, tous les 15 jours, il y a, si vous voulez, des réflexions sur la question de l'identité française et on vous ressasse une définition minimaliste de Patrick Veil, disant « et français, quiconque a le passeport français ». Donc, pure convention, et on dit c'est une définition merveilleuse parce qu'elle n'est pas excluante. Comme il y a des sans-papiers, il faudrait que les Français soient simplement des avec-papiers afin que la distinction entre les uns et les autres puisse être dite arbitraire. Et alors, arriver avec les pâtes au gaz de l'identité française, c'est d'ores et déjà basculer dans la xénophobie. Et là encore, on retrouve cette double accusation. Mais ça me désole. Pourquoi ? Parce que on aurait pu développer contre le programme de Nicolas Sarkozy, contre certaines de ses thèses, des arguments forts. Après tout, il n'est certainement pas à l'abri de la critique. Et je suis ici à Radio Notre-Dame. Il nous dit je défends les valeurs et je fais une campagne sur les valeurs. Et en même temps, alors ça n'a rien à voir en apparence, mais en même temps, il dit je veux supprimer le dimanche. Le dimanche ne doit plus être un jour férié. On doit travailler, on doit ouvrir les magasins. Oui, on doit ouvrir les magasins. Mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le seul horizon de tous, ça doit être le travail et la consommation. Est-ce qu'on peut concilier, si vous voulez, le discours de la croissance pour la croissance et le discours des valeurs ? Ça, c'est un vrai débat, c'est un vrai défi, c'est un problème grave. Mmh. On aurait pu le soulever, mais pas du tout, pas du tout. Il s'agit de toute autre chose et la France est travaillée de toute façon par cette espèce de judéophobie et de francophobie depuis un certain nombre d'années et tout d'un coup, ça se cristallise sur le nom de Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, quand même quelques éléments dans sa personnalité, dans la façon dont il se pose face au débat ? Et est-ce que vous n'avez pas l'impression, Jean-François Kahn le dit, mais c'est pas totalement faux quand on écoute, on a l'impression que le monde divise en deux quand on écoute Sarkozy, entre ceux qui sont avec lui et ceux qui sont contre lui. Est-ce qu'il n'y a pas dans sa personnalité quelque chose qui focalise ces oppositions terribles contre lui ? Écoutez, alors... Je pose la question. Écoutez, non, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on dit, voilà, cet homme est dangereux, cet homme est impulsif, et notamment, il veut assurer... Il oppose les gens les uns entre les autres. Et les médias, la liberté de la presse, la liberté de penser, sont mis en danger par ses réactions et ses menaces. Alors, c'est tout à fait extraordinaire, parce que comment concilier les choses ? Il y a un lynchage d'un homme, lynchage généralisé d'un homme dont on dit qu'il est une menace. S'il était menaçant, on hésiterait peut-être à le lâcher. Et moi, je suis un intellectuel. Hein. Bon, donc, j'écris des livres. Et je me dis, pour que mes livres marchent, ou pour que, justement, les journalistes, qui sont les grands médiateurs, et les seuls médiateurs, les accueillent avec une certaine sympathie, quel est mon intérêt ? Est-ce qu'il est de défendre Sarkozy contre ce type d'accusation, ou de hurler avec les loups ? Clairement, de hurler avec les loups. Celui, l'anti-sarkoziste en France aujourd'hui, dans quelque milieu que ce soit, est beaucoup plus, si vous voulez, en bien meilleure posture que le pro-sarkoziste, et ça continuera quand bien même il serait élu. Quant à la pensée binaire, oui, il faut la combattre. Il faut la combattre chez lui. De même qu'il faut combattre chez lui, plutôt la tentation, si vous voulez, de critiquer les autres quand il y a des aspects de sa campagne qui lui paraissent négatifs. La question lui a été posée au Figaro. Y a-t-il eu de même moments dans votre campagne ? Il a dit oui, mais chacun des moments, c'était des conseils que les autres lui avaient donnés. Là, je n'ai pas aimé ça. Je me suis dit, voilà, c'est embêtant, ce comportement. Mais la pensée binaire, si vous voulez, c'est quand même Jean-François Kahn écrivant un hommage à Lucie Aubrac, totalement délirant, puisqu'on parle de folie, hein, folie de Nicolas Sarkozy. Lucie Aubrac contre le juste milieu, c'est d'abord une instrumentalisation de sa vie et de sa mort, vraiment scandaleuse et même sacrilège, puisqu'il nous dit que Lucie Aubrac elle a montré que la France résistante, qui s'opposait à la France pétainiste, entendait déjà rompre avec le modèle social et républicain français et n'hésitait pas déjà à... Attendez, non, excusez-moi. Non, quand la France résistante s'opposa à la France pétainiste, cette France qui déjà entendait rompre avec le modèle social et républicain et qui n'hésita pas déjà également à s'aligner pour se faire sur la puissante hégémonique du moment, eh bien, cette France-là, elle était du côté de la vérité. Autrement dit, Lucie Aubrac aujourd'hui, c'est Bayrou et Jean-François Kahn. Pétain, c'est Sarkozy, s'alignant sur la puissance américaine. Il aurait fallu, dans une France, si vous voulez... Lucide, voilà, clairvoyante, que ce discours suscite soit un éclat de rire général, soit une réprobation unanime. Tel n'a pas été le cas. Le lynchage continue dans des conditions qui me paraissent très inquiétantes. Alain Finkielkraut, on se retrouve dans un instant. Radio Notre-Dame. Votez pour moi. C'est moi le meilleur candidat. À l'Élysée, je serai le roi, duc, bla bla bla bla bla bla. Si vous votez pour moi. Votez pour moi. Je ferai des dîners, soit de gala. Et des conférences sur la langue de bois. Si vous votez pour moi. Je vous donnerai tout ce que vous voulez, l'amour, l'argent et la santé, si vous me confiez ce mandat. Je vous promets, si vous en rêvez, de faire sauter tous vos PV, si vous me donnez vos voix. Votez pour moi. C'est moi le meilleur candidat. À l'Élysée, je ferai la loi en chinois. Si vous votez pour moi. Je vous donnerai tout ce que vous voulez, du travail, la sécurité, si vous me confiez ce mandat. Je vous promets, si vous en rêvez, de doubler vos jours de congé, si vous me donnez vos voix. Votez pour moi. Je ferai des soirées entières là-bas. Et des promesses que je ne tiendrai pas. Si vous votez pour moi. Pour moi. Voilà, Guy Marchand, Votez pour moi, une chanson de circonstance. Je voudrais qu'on en vienne, Alain Finkielkraut, le titre de votre dernier livre, Qu'est-ce que la France aux idées qu'on stocke? Est-ce que finalement, ce n'est pas là la question de fond qu'a posé cette campagne, peut-être aussi cette fin de campagne? Est-ce que la France est encore une nation ou est-ce que elle est devenue un agrégat d'ayant droit, de créanciers, voire aussi de communautarisme, qu'il soit ethnique, religieux ou même sexuel? Je pense en effet que nous sommes à la croisée des chemins. C'est ce que j'ai essayé de dire dans la préface de ce livre, qui est la collection d'un certain nombre de conversations que j'ai eues à la radio. Vos émissions sur France Culture, on peut le oui, dire. Oui, mais alors, je dois le dire parce que moi, je le défends, ce livre, d'une manière tendancieuse. Autrement dit, je suis présent dans toutes les émissions, j'assure la continuité et j'y interviens, c'est la loi du genre, mais je m'expose à des critiques et il y a des gens qui ne pensent pas du tout comme moi. Il y a une émission sur la radicalité avec Philippe Reynaud et Daniel Ben Saïd, par exemple, sur la question de la laïcité, je ne suis pas d'accord avec Lionel Jospin qui discute avec Maurice Agulon. Enfin, je pourrais donner de multiples exemples, mais c'est important pour moi de le dire. Là, ça ne reflète pas exactement. Voilà, votre le livre. L'intérêt du livre, c'est que il y a une continuité dans la réflexion, mais il y a une pluralité de points de vue. Mais ce qui apparaît en effet, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on va choisir? La France doit-elle rester une nation ou bien devenir, en fait, c'est ça la vérité, une auberge espagnole? Ou la France est une nation ou c'est une auberge espagnole? Une nation, c'est-à-dire, en effet, une identité, une continuité historique, un rapport de gratitude au passé. Une auberge espagnole, c'est une idée exprimée notamment par un militant d'Assez le Feu, qui a dit « Moi, je ne suis pas un immigré de la première ou de la génération, je suis un citoyen français faisant partie de la diversité nationale. » Phrase très étonnante, parce que si on fait partie de la diversité nationale, on est français en tant que ce qu'on est, si je puis dire. Voilà. Moi, ça voudrait dire, je suis français en tant que juif polonais. Et les Arméniens seraient français en tant qu'Arméniens. Il n'y a pas de ciment commun, quoi. Et c'est surtout, mais non, mais oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ma contribution identitaire qui fait de moi le français que je suis. La réalité, c'est quoi? C'est la proposition d'un découplage entre l'identité qui ne serait pas nationale et la nation qui ne serait plus une culture, mais qui serait un service ou une série de services. Ce découplage de l'identité et de la nationalité me paraît personnellement catastrophique. Jean-François Colosimo. Certes, mais lorsque, pas pour revenir à lui forcément, mais lorsque Nicolas Sarkozy s'empare du thème de l'identité, propose un ministère de l'identité, parce que c'est le mot quand même de fond, hein, de ses entretiens à réplique, lorsque Simone Veil réagit de manière très négative, est-ce que vous comprenez sa réaction? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Ou est-ce que il vous semble, au contraire, que là, il y a une surréaction? Je pense que, enfin, elle a raison et en même temps, elle a surréagi. Les deux choses sont vraies. Elle a raison parce que c'est pas un nom de ministère. On ne s'amuse pas à, si vous voulez, un effet d'annonce, une réflexion, ne peut pas devenir un nom de ministère. C'est absurde. C'est absurde. Reste que on ne peut pas non plus continuer à dire de manière tout à la fois enthousiaste et mécanique que l'immigration est une chance pour la France. D'abord, on n'en sait rien. Et surtout, ce discours consiste à penser que la France n'a été faite que par ses immigrés. Parce que il y a aussi, si vous voulez, cette illusion rétrospective sur laquelle la France aurait toujours été un pays d'immigration et ne serait consistante que de l'apport étranger. C'est absurde. Ça n'a strictement aucun sens. Aujourd'hui, il y a un problème de l'immigration, un problème quantitatif. Si vous avez des lycées où il y a 37 nationalités, ce n'est déjà plus gérable. Et d'ailleurs, les Français dits de souche le savent bien, puisqu'ils mettent leurs enfants dans d'autres écoles. Et puis, il y a un autre problème. Pour la première fois, la France fait face à une immigration haineuse. C'est-à-dire une immigration qui se place en posture d'extériorité, qui est... Et ça, c'est une situation nouvelle, c'est une situation sans précédent, et pour la traiter humainement, il faut la regarder en face. Et je crois que Sarkozy a eu raison de poser le problème, il a eu tort, justement, de vouloir cristalliser les choses à travers un nom de ministère. Jean-François Colossi. À travers un appareil étatique. Mais lorsque vous entendez Ségolène Royal renchérir et demander à ce que chaque famille française ait son drapeau tricolore pour le 14 juillet, est-ce que vous êtes attristé ou est-ce que vous avez l'impression d'être entendu? Non, je suis attristé, d'autant plus que, justement, enfin, chaque pays doit faire avec ses propres traditions. En Amérique, il y a des drapeaux. En Israël aussi, d'ailleurs. Hein. Et ça peut se comprendre très bien. En France, on n'a jamais perçu, vécu son identité comme ça. En plus, on ne doit pas, si vous voulez, substituer des gadgets ou des symboles à la transmission d'une identité, d'autant plus que cette transmission est en péril. L'identité française, ce n'est pas un certain nombre de recettes de cuisine, même si la cuisine française en fait partie. L'identité française, c'est une certaine culture. C'est la place en France faite à la littérature, par exemple. Or, tout cela, aujourd'hui, se transmet de plus en plus mal. Il y a une extériorité générale des jeunes Français à l'égard du passé de la France. Double extériorité, une extériorité d'abord morale. Les générations actuelles se croient supérieures à ce passé-là, comme si le passé français, précisément, se résumait aux crimes commis au nom de la France, du colonialisme au régime de Vichy, de l'esclavage, etc., aux manifestations de nationalisme. Et puis, il y a aussi une autre extériorité, c'est-à-dire nous vivons dans une époque, en quelque sorte, d'omniprésence du présent. Omniprésence au double sens de ubiquité et de perpétuité. Le présent nous accapare par une actualité harcelante et haletante, et en même temps, nous sommes, grâce à nos nouvelles machines, présents dans tous les coins du monde. Et cette espèce d'omnubilation favorisée par la technique empêche tout regard vers le passé et empêche précisément que le passé soit une ressource, un recours. Et c'est ça, moi, que je trouve le plus inquiétant aujourd'hui, parce que on nous dit, voilà, il est important de se repentir. Il est important que la France regarde en face les méfaits qu'elle a pu commettre. Et puis, comme il y a de nouvelles communautés, les méfaits à l'égard de ces communautés. Donc, révision de l'histoire de l'esclavage, révision de l'histoire de la colonisation. Certes, mais il est important surtout de faire face aux monde tel qu'il vient, aux défis actuels, aux nouvelles formes du mal. Et là, je me souviens de ce qu'était Peggy au moment de l'affaire Dreyfus. Comment et pourquoi a-t-il été Dreyfusard? Eh bien, il répond à cette question en citant Corneille. « Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Plus nous avons de passé pur, disait Peggy, plus il nous faut le garder pur. » Autrement dit, c'est au nom du passé, de ce noblesse oblige, en quelque sorte, du passé français, qu'il a été Dreyfusard. Et moins on a de passé derrière soi, plus on est vulnérable, perméable au vent mauvais de l'idéologie. Et ça, si vous voulez, on le voit très bien avec, précisément, le lynchage de Nicolas Sarkozy. Cette France hyper repentante, c'est la même France qui, aujourd'hui, pratique la chasse en meute. Jean-Luc Mouton. Enfin, je sais pas, on vous écoute. Je sais pas à partir de quoi vous décrivez ce que vous décrivez là. Il me semble que l'intégration des communautés étrangères, enfin, ce que vous dites, est-ce que ça englobe toutes les communautés? Ce que je voudrais faire, c'est comparer un instant notre situation en France, cette espèce de tension au niveau de l'accueil des étrangers, comment on s'en sert dans tous les sens, et ce qui se passe dans les sociétés nord-américaines. Je pense au Canada, vous savez, cette espèce d'accommodement raisonnable. Il y a eu un débat récemment, mais je veux dire, la façon dont ils prennent la question de l'intégration des minorités est tout à fait, je veux dire, dans un autre esprit, et ça ne crée pas cette espèce de poids, de tension, de crispation que ce qu'on a en Europe, parce qu'en Europe la question est un peu universelle, un peu toutes les pays européens sont confrontés au même problème. Donc comment vous expliquez que on a fait ce problème, un problème aussi lourd, aussi pesant, qui a autant de force politique, et que dans d'autres sociétés qui ont une autre histoire, d'autres racines, on arrive à le vivre plus paisiblement? Bah écoutez, je ne sais pas jusqu'à quel point on le vit paisiblement. Écoutez, l'accommodement raisonnable, c'est un mot qu'on ne connaît pas en France. Oui, et ben, d'ailleurs, on le connaît tellement bien au Québec que le parti indépendantiste a subi une défaite historique. Et pour de bonnes raisons. Parce qu'ils sont allés trop loin. Voilà des gens qui ont voulu défendre la spécificité du Québec, dans un premier temps, le droit à l'indépendance, et ces mêmes personnes ont voulu noyer l'identité qu'ils voulaient défendre par le souverainisme dans le multiculturalisme. Et là, les Québécois se sont dit, c'est complètement dingue. Pourquoi être souverain s'il n'y a plus rien à défendre? Et l'accommodement raisonnable qui est allé jusqu'à, sous-traiter le droit à la charia, le droit, et ça, ce n'était pas possible. Donc c'est allé beaucoup trop loin. Il y a eu un coup d'arrêt. D'un autre côté, en France, il y a des difficultés, mais qui tiennent aussi au climat de haine qui peut sévir dans certains quartiers. Et quelquefois, les journaux le disent. Le Monde a fait, il y a quelques semaines, un reportage fascinant, c'était Luc Brunner, sur Creil. Pourquoi les gens de Creil votent Le Pen? Et que disait un immigré? C'est ça qui est fascinant. Un immigré qui avait un nom yougoslave. Je ne saurais dire si c'était serbe ou croate. Donc je dis yougoslave, même si, bien sûr, je mets ex-yougoslave. En tout cas, je mets évidemment cette expression entre guillemets. Il disait, ce n'est pas une question de race, c'est une question d'attitude. Et ces gens-là ne veulent pas s'intégrer, et c'est extraordinairement difficile à vivre pour nous. Difficile de voir aussi ces voitures de luxe qui tournoient dans les cités. Ça, c'est notre difficile. Problème. Oui, mais écoutez, vous avez, par exemple, les émeutes de la gare du Nord. Alors on dit, divorce entre une partie de la population et la police. Peut-être que la police française, sous la conduite impulsive de Nicolas Sarkozy, s'est montrée trop extérieure, trop répressive à l'égard des jeunes de banlieue, population fragilisée et stigmatisée. Mais c'est absurde, parce qu'alors à ce moment-là, il faudrait parler du divorce de cette population avec les arbitres de football, du divorce de cette population avec les pompiers, avec les professeur, ce que je constate en France, c'est que le racisme est en train de devenir un alibi. Bien sûr que l'antiracisme est un principe éthique, éthico-politique absolument fondamental. Mais nous vivons à l'époque d'un antiracisme idéologique, c'est-à-dire que on analyse une réalité dans les termes de l'antiracisme pour ne pas voir ce qui s'y passe. Et c'est ainsi que, au lieu de traiter cette haine, on la justifie parce qu'on y voit une réponse à la violence d'une société répressive, mortifère et xénophobe. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Jean-François Colosimo. D'accord avec vous, Alain Finkielkraut, pour dire qu'il y a une sorte de perversion de la morale à laquelle aboutit une sorte de masochisme de la conscience, n'est-ce pas, nationale. Mais alors, par rapport à ça, et pour revenir à la question essentielle du passé, donc de la mémoire, que faut-il faire aujourd'hui par rapport à l'abondance des repentances et des lois mémorielles? Pour refermer la boîte de Pandore, est-ce qu'il faut les supprimer toutes, c'est-à-dire y compris la loi Guesso? Ou est-ce qu'il faut établir une sorte de gradation? Est-ce qu'il faut mettre les Arméniens dedans et pas l'esclavage? Comment fait-on par rapport à cela dès lors que la boîte de Pandore a été ouverte, hein? Réponse rapide avant la pause. C'est très difficile de donner une réponse rapide. La loi Guesso, pour moi, n'est pas une loi mémorielle. En tout cas, j'en fais une interprétation extrêmement restrictive. La loi Guesso dit qu'il faut faire une différence entre les faits et les opinions. Elle ne protège pas les juifs, elle protège les vérités factuelles. S'il n'y a plus de faits, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus rien. Et la loi Guesso, donc, doit pouvoir punir exclusivement la négation de l'existence des chambres à gaz. Autrement dit, Le Pen a le droit de dire que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire. Et tel autre idéologue ou pseudo-chercheur a le droit de noyer, si j'ose dire, le génocide des juifs dans les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ça relève de l'interprétation, et quelquefois d'une interprétation qui peut être blessante, insultante et stupide. Voilà le sens que je donne à la loi Guesso. Les lois mémorielles qui se sont construites apparemment sur ce modèle sont extrêmement dangereuses parce que, au nom de la reconnaissance due à un certain nombre de malheurs, c'est la connaissance même qu'elle vise. Hein, elle ne protège pas la connaissance, elle ne protège pas les vérités factuelles, elle vise la connaissance. On nous dit la traite, par exemple, négrière a été un crime contre l'humanité, on voudrait l'inscrire dans la loi, mais comme on dit la traite négrière, ceux qui disent les traites négrières, hein, et qui incluent la traite musulmane aussi bien que la traite interafricaine, ceux-là sont poursuivis en justice. C'est le cas d'Olivier Petrigrenouillot. C'est du complet délire. Mais surtout, ce que je voudrais dire, il ne faut pas accepter la mainmise du crime sur la mémoire. Il y a mémoire des crimes, mais il y a aussi mémoire d'autre chose. La France n'est pas réductible à ces crimes. Nous avons la chance d'être un pays de grande culture. Place doit être faite dans le devoir de mémoire à la dette qui est la nôtre à l'égard des grandes œuvres, des grands auteurs et de ce Corneille qui a dit « Je rendrai mon sang pur », qui a fait dire à Rodrigue « Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu ». On va y revenir juste après cet instant de musique. Radio Notre-Dame. M, qui de nous deux de retour dans cette émission avec Alain Finkielkraut. On parle de la France. Qu'est-ce que la France? C'est d'ailleurs le titre de votre dernier ouvrage, celui que vous avez dirigé en tout cas aux éditions Stock. Et la question pour ouvrir cette dernière partie, c'est la question de la religion, parce que ces derniers jours de campagne ont vu justement cette question. Quelle part peut-on donner au christianisme, au judéo-christianisme dans l'identité nationale? Ça a été lancé par un candidat. C'est encore Nicolas Sarkozy. Je n'y peux rien, mais d'autres candidats ou soutiens de candidats ont réagi. Ça veut dire que ça fait débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'espère que c'était chez Nicolas Sarkozy une démarche profonde, une démarche sincère. Je n'en sais rien. Je n'ai pas, si vous voulez, je ne peux pas lui faire de procès d'intention. Ce sont des pas des cœurs et les rêves des candidats. Bon, si j'hésite, c'est précisément parce que il voulait sans doute aussi s'adresser aux électeurs potentiels de François Bayrou et à son fond justement démocrate chrétien. Ouais. Donc bon, mais d'un autre, pardonnez-moi, voulait-il juste aussi peut-être corriger, comme il y a une vaste polémique sur les questions génétiques, il voulait peut-être remettre un peu la liberté de naissance qui est si chère aux chrétiens et à l'héritage biblique au cœur peut-être. Enfin, oui. Si on peut revenir au fond de la question, parce que Nicolas Sarkozy est une chose, mais oui. Là, il y a quand même une vraie question qui oui, se pose. Mais enfin, bon, quand même, un mot sur l'inné et sur l'acquis. Il y a une part non choisie dans l'existence humaine. Cette part non choisie, nous ne savons pas très bien comment la caractériser. Elle est indécidable. Moi, je suis hétérosexuel. J'ai pas choisi ma sexualité sur catalogue. Et alors peut-être que ça vient de mon Oedipe bien fait ou pas bien fait, mais je ne vois pas pourquoi j'en serais sûr. Il y a aussi une hérédité des caractères acquis. Donc je ferme cette parenthèse. Je pense là encore qu'on lui a fait un très mauvais procès et que c'était absurde. Mais la question de cet héritage judéo-chrétien. Bon, eh bien moi je pense à L'étrange défaite de Marc Bloch, livre auquel je reviens toujours. C'est un de mes bréviaires, un de mes viatiques, livre absolument extraordinaire, où il y a cette phrase que je ne me lasse pas de relire et de redire. Il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais rien à l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Voilà la France. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces deux identités... ne sont pas réconciliés? Est-ce qu'on a réussi aujourd'hui? Est-ce qu'on réussit à les réconcilier? La question n'est pas de savoir s'il faut les réconcilier ou non. Si France, il y a, cette continuité existe. Certes, une rupture a eu lieu. Une société séculière, ce n'est pas la même chose qu'une société imprégnée par la religion, par le catholicisme. Il n'en reste pas moins que Péguy, dans le même sens, disait notre République une et indivisible, le Royaume de France. Donc tout cela s'enchaîne et cet héritage doit être en effet prise en compte, et d'autant plus est prise en compte. Pourquoi? Parce que la culture, si vous voulez, c'est à un moment donné en Europe émancipée de la religion est devenue à la place de la religion valeur suprême. C'est tout le sens de la Renaissance. Il n'en reste pas moins que cette culture elle-même est imprégnée. Hein, de l'héritage dont vous parliez, la Bible est le grand code de l'art, disait le critique anglais Northrop Frye. Donc si nous nous détournons de cet héritage, c'est notre culture elle-même, notre peinture, que nous ne comprenons pas. Cela étant, j'ai vis-à-vis du mot judéo-chrétien une hésitation. Moi, que l'enracinement chrétien de l'Europe ne me gêne pas, c'est vrai. Le judéo-christianisme, il faut pas exagérer. C'est tout de même très récemment que le procès par l'Église du juif charnel, hein, juif selon l'hérédité, juif de la compréhension littérale des textes, juif du matérialisme, etc. C'est très récemment que ce procès a définitivement cessé. Il a fallu, malgré tout, l'événement terrible du génocide. Mais est-ce que ce rapprochement est une bonne nouvelle pour notre nation? Ce rapprochement est une très bonne nouvelle et je le prends très au sérieux. Et pour notre nation y compris? Oui, sauf que, c'est ça qui est très intéressant et très inquiétant, au moment même où l'Église abandonnait cet héritage-là, qui est un grand héritage patristique, le procès du juif Cernel, ça va de Justin à Pascal. Marcion n'est, si vous voulez, qu'une forme extrême de ce comportement-là. Eh bien, au moment même où l'Église faisait ce geste courageux, hein, à partir de Vatican II jusqu'à la politique de Jean-Paul II, eh bien, la philosophie, ou une part de la philosophie, a pris le relais. Voyez le traitement de Saint Paul. Si vous voulez, l'accueil de Saint Paul par la philosophie néo-radicale, si je puis dire, par la nouvelle radicalité philosophique. Alain Badiou, par exemple. Mais que nous dit-il? Il dit Saint Paul, c'est merveilleux parce qu'il a découvert l'universel. Il nous a délivré des particularismes communautaires. Voyez le procès d'Israël. Israël aujourd'hui rappelle l'Israël d'hier. Israël, c'est le juif charnel qui construit un mur de séparation, ce mur d'inimitié et de haine dont les évangiles nous disent avec saint Paul que Jésus-Christ l'avait détruit. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de reprise en main de cette théologie ou de cette par la philosophie au moment même où l'Église catholique s'en dégage. Jean-François Colosimo. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout de même, à côté de cet anti-judaïsme patristique dont vous avez parlé, qui n'est pas un antisémitisme au sens propre, vous avez bien marqué la différence, il y a à côté de cela aussi tout de même toute une leçon théologico-politique qui dérive de la Bible et qui est commune à l'expérience d'Israël et qui est commune à l'expérience de l'Europe, qui est cette distinction entre les ordres spirituels et temporels. C'est que tout de même, on ne peut pas amener Dieu partout, n'est-ce pas? En tout cas, on peut avoir sa présence avec soi, mais on ne peut pas le mêler à tout. Et ça, je crois que c'est quand même une leçon cruciale. Oui, alors, mais il y a une autre leçon qui est très importante, sur laquelle Paul Thibault a insisté, c'est l'articulation du particulier et de l'universel dont le judaïsme est porteur. Une certaine forme d'universalisme catholique s'est impatienté, mais d'un autre côté, l'idée chrétienne et donc européenne de nation s'est quand même largement inspirée de l'héritage judaïque. Hein. Il a fallu, pour combattre, pour trouver une autre forme que l'État de César, c'est-à-dire l'Empire. Penser au modèle de l'État de David. Mais précisément, et là nous revenons à la France, l'idée de nation aujourd'hui est en crise. Il y a un appétit vers une sorte d'universalisme immédiat. Les sociétés civiles vivent sous l'empire du marché, mais aussi chez les altermondialistes, du droit et de la morale. On s'impatiente devant les frontières. Et donc, cet héritage-là est lui-même mis en cause. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui un État juif, un État substantiellement juif, ou dirais-je même ethniquement juif, c'est totalement incompris dans une Europe qui se veut elle-même post-nationale, qui rompt avec son propre héritage politique et ce qu'il doit au modèle juif. Justement, alors, de ce fait-là, la réaction, le non-français au référendum européen n'est-il pas finalement une bonne nouvelle, pour aller un peu dans le sens de ce que vous dites? C'est peut-être, je crois que malheureusement... Par peur de la mondialisation, de ce... Oui. Est-ce dans le nom, il y a votre réaction, cette analyse-là? Je ne suis pas sûr que cette analyse soit présente chez certains nonistes, sans aucun doute. Ceux qui voulaient que l'Europe demeure une Europe des nations, il me semble que majoritairement, le nom disait autre chose, exprimait une inquiétude d'ailleurs très légitime, mais liée à l'emploi, au travail, devant la mondialisation. Et là, la question se pose de savoir dans quelles conditions serons-nous mieux armés pour résister à la mondialisation. Est-ce dans une Europe plus forte ou dans une Europe plus faible? Ça, c'est une question à laquelle je ne me sens pas capable de répondre. Très rapide, malheureusement, le temps passe très vite, Jean-François Colosimo. Vous l'avez dit, pour le meilleur et pour le pire, il y a quelque chose de neuf dans cette élection. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, demain, pour la France? Est-ce que vous allez voter? Je ne souhaite pas répondre à cette question directement. Mais pour la France. Ce que je souhaite pour la France, c'est qu'elle sache, quel que soit le résultat, surmonter cette haine et qu'elle se refuse à une unité ainsi constituée. Moi, voilà. Quel que soit le résultat, il faut que cette haine soit vaincue. Mais je dis ce il faut avec beaucoup d'inquiétude parce que mon impression aujourd'hui, c'est qu'à l'inverse, quel que soit le résultat, c'est cette haine qui l'emportera. Merci beaucoup Alain Finkielkraut, ce sera le mot de la fin d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Qu'est-ce que la France, aux éditions Stock. On se retrouve vendredi prochain. Merci aussi à Dimitri pour la réalisation de cette émission. Très bonne soirée à tous.